Radio en directa. Radio en directa. Más hago el amor, más tengo ganas de hacer la revolución. Más hago la revolución, más tengo ganas de hacer el amor. Los radios modelos, radios modelos. Les enragés. C'est pas celle qui fait baver. Demande à fable avec la comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains entravés, de vivre en travers, la rage gravée. Puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et un poli, la rage. Car impossible, et cette paix t'en voulu, la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire. Et que ce soit toujours des innocents, sans protéger la rage. Car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ces barricades et pétons. Et tu peur de la nature, la rage. Car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie. La rage d'être autant balafré par les pécans des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir dorénavant. On tiendra prêt quand on a la rage, le cœur passe toi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. Car c'est la merde et que ce monde y adhère. Lorsque tout l'argent OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On a la rage. On pourra ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. D'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge. Mais de gris ça y s'entoure. Et parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour. Tant de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. La rage car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition. La rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution. La rage. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste. Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain. À la veille d'une révolution. Rage du peuple, rage du peuple. Arabia del pueblo. Parce qu'on a la rage. Elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage. Elle qui la populace et la rage est énorme. Radio en directe. Radio lliure. Radio autonomia. Bueno, estem en directe per Radio Autonomia, poca broma, tenim un homenatge a Galeano. En homenatge a Galeano. En homenatge a Galeano. El derecho de recordar no figura entre los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pero hoy es más que nunca necesario reivindicarlo y ponerlo en práctica. No para repetir el pasado, sino para evitar que se repita. No para que los vivos seamos ventrílocos de los muertos, sino para que seamos capaces de hablar con voces no condenadas al eco perpetuo de la estupidez y la desgracia. Cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que invita a hacerla. Más que en los museos, donde la pobre se aburre, la memoria está en el aire que respiramos. Y ella, desde el aire, nos respira. Aquest fragment apareix en el llibre Patas arriba, l'escola del mundo al revés. I l'he triat perquè em semblava interessant compartir quin era el punt de vista del mateix Galeano sobre la memòria i sobre recordar. I perquè per mi Galeano és història i són històries. I entre moltes altres coses també és una contínua invitació a dir, perquè tal com diu ell mateix, tots i totes tenim alguna cosa a dir. Ràdio en directe. Ràdio en ràdio, lliure. Ràdio, ràdio, autonomia. La fiesta hilaria, heredada o inventada por Roma, saludaba la llegada de la primavera. Por decisión de la Iglesia Católica, esta fiesta pagana de la hilaridad, que riendo celebraba la resurrección de la primavera, coincide cada marzo día más día menos con la resurrección de Jesús, de quien los evangelios no registran ni una sola risa. Y por decisión de la Iglesia, el Vaticano ha sido construido en el exacto lugar donde la fiesta de la alegría culminaba. Allí, en la vasta plaza donde resonaban las carcajadas de la multitud, ahora se escucha la grave voz del Papa recitando páginas de la Biblia, un libro donde nadie ríe nunca. He seleccionado este fragmento de Eduardo Galeano del libro Espejos, Prohibido reír, por las fechas en las que estamos para recordar el origen de estas fechas actualmente cargadas de dolor, culpa, penitencia, castigo, porque prefiero reír que rezar, reír que rezar, y porque prefiero el polen a la cruz. Fire in the Vatican, look at that. Blood in the Pope, man. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet say. Fire in the Vatican. Look at that. Blood in the Pope, man. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet say. Oh yeah. Chink and doffly in society. A serious thing. Fighting against humanity, yeah. No gesturing. Puss and dog. In society, a serious thing, fighting against reality, yeah, oh yeah. Fire for the Vatican, now look at that. Blood for the Pope, man. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet say. And what you say now? Fire for the Vatican, but look at that. Blood for the Pope, man. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet say. Oh yeah. Meekly wait and murmur not. A serious thing. Water for fish and fish for dot, yeah. Oh yeah. No jester. Humble is careful, suck the most men. A serious thing. Righteous virgins dressed in silk, yeah. Oh yeah. Fire for the Vatican. Now look at that. Blood for the Pope, man. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet say. Look at that. Fire for the Vatican. Blood for the Pope, man. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet said. Oh, oh yeah, ah, ah, oh yeah. Oh yeah, la, la, oh yeah. A serious thing. No gesturing. Oh yeah, papa, oh yeah. Oh yeah, mama, oh yeah. A serious thing. No gesturing. Oh yeah. And Nancy bring it to my yard, yeah. Oh yeah. No gesturing. And when trouble start to take you, a serious thing. Then picnic clothes will fit you. Oh yeah. Fire for the Vatican. Now look at that. Blood for the Pope, man. Who say? Revelation say. Felicito. Who say? Felicito. Radio en directe. Radio en directe. Radio. Radio. Radio. Radio. Autonomia. Partout il y a des murs, des barrières, des territoires, des appartements. On m'a même raconté qu'il existait des frontières naturelles. Non, non, non, on ne franchit pas la ligne. Tournez donc chez vous, ici, là-bas. Vous n'êtes pas le bienvenu. Car vous êtes noir, car vous êtes jaune, car vous êtes roux, car vous êtes blanc. Qui êtes-vous, bande de charognards, pour décider où nous pouvons aller? Droit de séjour, 90 jours, 91 jours. Hors la loi, malheureux. Alors oui. Par la loi, je suis suisse, je puis offrir la liberté. Si je dois me marier pour qu'une personne soit plus libre, alors j'irai dans le sens de la loi. J'irai donner un peu de sous, ma signature, mon passeport. Vous avez mon consentement, mesdames et messieurs. Être avec une personne chère n'a pas de la liberté non plus. Vous ne saviez pas, j'en suis désolé. Alors je vous remplis vos formulaires, vous adresse un petit sourire. Et laissez-lui sa liberté. Bitim rew tah ma gis xam luy boddi xet aduna ya ku ya xet ba dul ku feex ñu lay xex rew mo dem ñu lay xet ben xet ke ñu xet ci yoonu muhammad sani fatia fala xek yo kale ci nasi ñi desol ci yoon bu sori bi ñi sux ci ndox me ñi tele ci dox bi jeegina tayo limu neew yi di men ta tabax bi ne ci ti geunte rew yi joy na joy bin de fi fatu won ci dox bi meuno kam jam bari sux xol ci ndox mi meuno xeyma limu neew yi di men ta tabax bi ne ci digënté réew yi joy na joy bin de fi fatu won ci dox bi meuno kam jam bari sux xol ci ndox mi meuno xeyma limu neew yi di men ta tabax bi. Je suis né où tout le monde voudrait naître. Pourquoi je ne pense qu'à me barrer? Mon vague à la mer raz-de-marée. Il faut que je me ravitaille, mon avis je braille. Mes amis taillent et même mitraillent ces envies d'ailleurs que je n'arrête pas de narrer. Ici je suis mal garé, pourquoi cette lettre ouverte? Je suis une cocotte minute dont il faut soulever le couvercle. Je cherche une herbe toute verte, je suis pas élève ou maître. Je suis juste moi, à la quête d'une terre nouvelle ou naître. Eh, je sais bien que j'ai des problèmes de riche. J'aime les poèmes de Nietzsche, mais tu sais trop de haine me fige. Khalifa, désolé si tous ces gros blaires te fichent. S'il le faut, nous déclenchons ensemble des tonnerres de triche pour qu'ils nous laissent aller, même si la l'addition finale est salée. Que tous puissent marcher librement dans telles ou telles allées. Des frontières et des bordures, des rombières et des ordures. Les désaccords durs et j'ai toujours trouvé ça laid. Dinen tek tabax bi ne ci digënté réew yi joy na joy bin de fi fatu won ci ndox bi meuno kam jam bari yi sux xol ci ndox mi meuno xeyma limu neew yi dinen tek tabax bi ne ci digënté réew yi joy na joy bin de fi fatu won ci ndox bi meuno kam jam bari yi sux xol ci ndox mi meuno xeyma limu neew yi dinen tek tabax bi. J'aime le décor mais pas l'envers. Tu dis qu'à Paname c'est pas l'enfer. C'est sûrement que t'aimes te la prendre à l'envers. Le cœur dur comme du béton, le moral enfer. J'en ai plein de culés. Béton, mais si je me barre, faut pas t'en faire. J'sais bien que certains sont fiers du pays où je vis perso. Faut que je bouge vite, quitte à y laisser des confrères. J'traverserai des tas de frontières, quoi qu'il arrive. Et quel que soit le tarif, j'paierai pas de taxes foncières. Tu sais que j'ai les dents, frère, quand j'entends que des gens se plaignent. Tandis qu'ils ont la panse pleine, l'égoïste de la France. Même pourquoi je me défonce autant dans l'alcool. Noie mes problèmes, parle de drogue dans mes poèmes à ras-le-bol. La vie qu'on mène, j'en profite pour lever mon verre à ceux qu'on réussit à se barrer et qu'on survécu à un sale voyage en mer où qu'on aille. Les beaux souvenirs on les emmène, les mauvais restent sur place et tant mieux car je les emmerde. Nata ki don moytu ba far fatu musiba tak der du len saytu ni si galu khat dañu sentu amuñu kaytu gessu yon tay gestu doxandem ñu pom pom ñi ñu nangu seni dom ak kaño ñak jom. Pas de marche en arrière, écrasement de ces putains de barrières, élimination de toutes les frontières. Combien y a-t-il de wanted sans délit, recherché par la police juste pour manquer de frappe? Oh c'est grave, dégoûté de vivre sans liberté. Mes trois boycottés, régularisation de toutes les sans-papiers. On est là depuis des années sans pouvoir replier. Circuler dignement, librement, faisait partir des droits de l'homme. Même si les frontières sont barrées, on va les bourler. Clandestins emprisonnés, oubliés, tabarbinés. Ne ki digënté réew yi joy na joy bin de fi fatu won ci ndox bi meuno kam jam bari yi sux xol ci ndox mi meuno xeyma limu neew yi dinañ tek tabax bi dinañ tek tabax bi ne ki digënté réew yi joy na joy bin de fi fatu won ci ndox bi meuno kam jam bari yi sux xol ci ndox mi meuno xeyma limu neew yi dinañ tek tabax bi.